Une photo qui fait toujours débat, mais qui s'est installée dans la mémoire visuelle comme représentant cette défaite tragique de la République en Espagne. On y voyait une même scène d'un combattant frappé par une balle ennemie de face, son corps sur le point de toucher le sol qu'il ne quitterait plus. Une photographie sur le vif, un instant saisi, dont la rareté avait éveillé les doutes. Les débats sont encore en cours sur l'authenticité de la situation et sa probable mise en scène par le photographe. Mais ce qui intéresse Vincent Marie dans cette analyse d'image n'est pas le caractère documentaire de cette photo évoquée par le dessin, mais un détail mis en valeur par Baru, un foulard rouge autour du cou de celui qui meurt. Car le personnage de Baru n'est pas un soldat espagnol, c'est un Italien, son héros, Ezio, qui porte son héritage autour du cou, un foulard rouge, seul élément de couleur dans l'image en noir et blanc. Un bout de tissu légué par son père communiste, impuissant face à la prise du pouvoir du fascisme dans l'Italie des années 20, et son émotion avec cette indignation impuissante mais partagée avec son fils, alors enfant. Un objet chargé de sa mémoire familiale qui l'accompagne dans ses engagements d'adulte. Italien combattant dans la guerre d'Espagne, c'est le parcours des engagés volontaires armés au service de la République espagnole, les Brigades internationales, qui est contenu dans ce foulard rouge. L'histoire d'une transmission symbolique d'un père à un fils, incapable d'influer sur le destin de leur pays, et l'opportunité dans un pays lointain de contribuer au changement en exportant un idéal sur un autre territoire, dans le souffle de la résistance encore possible des autres, où il trouvera la mort. L'image de Baru contient toute cette histoire, une photo, peut-être truquée, mais une transmission réelle au service de l'activation de notre imaginaire historique. Merci beaucoup Anaïs Quien. Le journal est à retrouver sur franceculture.fr, le site internet, et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture avec Marion Dupont, Toscane, Judas, Odile Jouessel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou. Nous vous préparons des émissions à écouter, à podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. La semaine prochaine, une série d'émissions consacrées à l'histoire du handicap. Oui, prendre en charge le handicap, une affaire d'État ou encore survivre ne suffit pas, handicap et lutte pour l'égalité. À la semaine prochaine.